Jean Bosco, Ndoui Man. Bonsoir, c'est la dernière édition du journal Parler en français. Nous sommes le 9 janvier 2017 et en voici tout de suite les grandes articulations. Le parti Sawagna Frodebou annonce qu'il participera au dialogue convoqué par le facilitateur Mkapa, alors que le Sénaréde, dont son parti est membre, a dernièrement déclaré qu'il ne répondra à aucune activité organisée par cet ancien président tanzanien pour avoir affiché son côté penchant. Léon Nguenda Koumana explique qu'ils n'ont pas d'autre choix si l'on veut trouver une solution à la crise burundaise. La Ligue des droits de la personne humaine dans la région des Grands Lacs plaide pour la révision de la radiation de la Ligue ITK et demande à ces dernières de coopérer avec le gouvernement si elle obtient la chance de reprendre ses activités. Joseph Kanjira, le deuxième vice-président de la LDGL, reconnaît que les rapports de la Ligue ITK sont fiables. Les écoles à régime d'internat en province de Gitega éprouvent des difficultés de restauration de leurs élèves internes car les fournisseurs ont cessé de les approvisionner en vivres à crédit avec des dizaines de millions d'arriérés de dettes. Le ministère de l'Éducation leur demande de patienter le temps que les procédures administratives aboutissent pour que les autorisations d'engagement des budgets soient données. Et l'Association de défense des droits des enfants, Où est ton frère, condamne l'abandon des enfants par leur mère et demande des sanctions très dissuasives contre ces dernières. Deux bébés, dont un nouveau-né, ont été retrouvés ce lundi matin devant le cabinet du gouverneur de Muyinga, alors qu'un autre retrouvé jeudi au chef-lieu de la province Wawanza a été remis ce matin à un orphelinat de la localité. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Rebonsoir. Le parti Sawagna Frodebou promet de répondre présent au prochain round de dialogue malgré le refus du Sénaréde de participer aux activités organisées par le facilitateur Benjamin Mkapa. Le vice-président de ce parti, Léon Nguenda Koumana, explique qu'il n'y a pas d'autres alternatives pour trouver solution à l'impasse politique dans laquelle le Burundi est plongé depuis plus d'une année. Suivez. Je pense qu'il y a un incident qui s'est produit avec la déclaration de Mkapa, certainement sous le désespoir ou sous la déception. Il doit être déçu par le comportement des Burundais, le gouvernement, son opposition, puisqu'il ne parvient pas à les mettre ensemble pour négocier, discuter, mettre en terme aux souffrances du peuple burundais. Il faut alors aller le rencontrer, discuter avec lui du contenu de sa déclaration et voir comment remédier à cette situation. S'il faut qu'il soit changé, il faut que ça soit négocié avec la région. S'il faut qu'il soit maintenu et qu'il y ait des conditions pour corriger ça, il faut le négocier. Si vous ne le négociez pas et que vous restez quelque part et que vous vous isolez pour rester quelque part, on n'aura pas de solution. Alors si jamais le facilitateur n'est pas changé, comme le Sénaréde le propose, et qu'il convoque d'autres activités ou un autre round de dialogue, est-ce que le parti Frodebou va participer? Le Frodebou répondra présent pour dire à l'ex-président tanzanien qui est facilitateur qu'il n'a pas bien fait, que franchement, sa déclaration a remis en cause son statut de facilitateur et qu'il doit impérativement et obligatoirement corriger, redresser cette situation. Si vous ne le rencontrez pas, si vous ne rencontrez pas la région, comment est-ce que vous allez corriger ce qu'il a dit? Non, nous allons le rencontrer, mais cela ne signifie à nos aucune façon que nous sommes d'accord avec ce qu'il a dit. Cela ne signifie à aucune façon que nous renonçons à notre combat contre la négation de l'accord d'Arusha et de la Constitution. Est-ce que ça ne risque pas d'être interprété comme une trahison de la part du Sénaréde qui, lui, refuse de participer à toute activité organisée par Benjamin Mkapa? Pour faire quoi? Quelle est l'alternative? Je ne crois pas que ce soit une trahison parce que nous restons d'abord membre entier du Sénaréde. Deuxièmement, le Sénaréde se trouve dans la logique du dialogue. Le seul problème que nous devons résoudre avec lui, du médiateur. Et je souligne ici, il ne faut pas trop compter sur la médiation uniquement pour résoudre ces problèmes. On aurait n'importe quel médiateur si les Burundais ne sont pas suffisamment engagés de deux côtés, gouvernement et son opposition. Si l'opposition n'est pas unie, cohérente et solidaire, il sera très difficile de trouver une solution. Nous allons tous condamner le Burundi et le peuple burundais. Léon Nguenda Koumana, c'est le vice-président du parti Sawagna Frodebou au téléphone avec Joseph Nsabiyabandi. La Ligue des droits de la personne humaine dans la région des Grands Lacs appelle au gouvernement burundais à revoir sa décision de radier définitivement la Ligue ITK. Joseph Kanjira, le deuxième vice-président de la LDGL, indique que les rapports de la Ligue ITK sont produits après des enquêtes de terrain. Seulement, il demande à la Ligue ITK de coopérer avec le gouvernement si elle obtient cette chance de reprendre ses activités. Suivez Joseph Kanjira au téléphone avec Léonce Vitalio. Avant, on avait compris qu'elle était suspendue dans ses activités au niveau de la région du Burundi. Alors, pour nous, c'était une surprise de voir encore une autre décision qui vient pour une radiation définitive. Et là, nous, comme Ligue des droits de la personne dans la région des Grands Lacs, on n'a pas compris comment c'est arrivé. La Ligue ITK est accusée par le gouvernement de Bujumbura d'avoir produit des rapports qui sont jugés faux par le gouvernement. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, de toutes les façons, ces rapports, nous, dans les enquêtes que la Ligue fait au niveau de Bujumbura et avec FIDH, ils ont sorti des rapports qui sont vérifiables sur le terrain. C'est question peut-être de mener des enquêtes, ce qu'ils ont produit. De toutes les façons, c'est des rapports fiables parce que on a des enquêteurs qui sont sur le terrain et qui donnent des informations que la Ligue ITK a produit. Quel serait alors l'appel que vous pourriez lancer aux uns et aux autres, au gouvernement ou à la Ligue même? D'abord, nous demanderons au gouvernement burundais de revoir sa décision. C'est pas seulement à la Ligue ITK, il y a 4 organisations aussi qui sont frappées aussi de la même décision. Si le gouvernement peut revoir cette décision, ça nous enchanterait. Et par rapport à la Ligue ITK, nous sommes d'accord que la Ligue ITK doit collaborer avec le gouvernement burundais comme organisation de la société civile. À cela, ce n'est pas normal qu'on puisse décider sans les consulter, quoi. Donc le gouvernement pourrait d'abord appeler les responsables, parler avec eux, échanger avec elles pour qu'on puisse trouver un terrain d'attente. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Deux enfants dont un nouveau-né retrouvé ce lundi matin devant le cabinet du gouverneur de Muyinga sont à l'hôpital de la localité. Le responsable du Centre pour le développement familial et communautaire indique que l'administration locale est à l'œuvre pour retrouver les familles de ces enfants abandonnés. Les précisions de Dieudonné Zeyman. Un de ses enfants est à nouveau né abandonné par un inconnu devant le bâtiment abritant le cabinet du gouverneur de la province Muyinga. Les administratifs l'ont retrouvé ce lundi matin. Ce bébé a été vite conduit à la maternité de l'hôpital de Muyinga. Des sources à l'hôpital de Muyinga déclarent que cet enfant est important. Il a fallu une prise en charge juste pour le protéger contre les infections. Les enquêtes sont en cours pour retrouver sa maman. Dans les enceintes du même hôpital, un autre enfant, cette fois-ci de 6 ans, vient d'y passer pris d'une semaine. Louis-Marie Vyukusenge est son nom. Sa mère est partie en Tanzanie à la recherche du travail et son père l'a conduit à cet hôpital, l'a abandonné, lui intimant l'ordre de ne pas quitter l'endroit d'après les dires de ce garçon abandonné. Eugénie Gakouga, responsable du Centre pour le développement familial et communautaire CDFC à Muyinga, affirme être au courant des deux cas. L'enfant évolue bien quand il se retrouve en famille. Les autorités administratives ont été saisies pour aider à retrouver d'urgence les familles de ces enfants. Yodene Zeymana, Muyinga pour la radio Isanganiro. Et l'organisation Où est ton frère, qui lutte pour les droits des enfants, condamne ce comportement des femmes qui abandonnent leur bébé. Le président de cette organisation, Maître Prime Mbarubukeye, demande à la justice de sanctionner sévèrement ces femmes conformément à la loi, en vue de décourager les autres femmes qui seraient tentées de commettre le même crime. Alors, on essaie de nous dire, condamner avec toute notre dernière énergie cette honte situation où les mères n'ont plus d'eau scrupule à jeter, tambour battant leur propre bébé. Alors, on essaie de nous dire, rappeler aux femmes burundaises que l'enfant est un don le plus précieux du monde que Dieu peut offrir à la famille et que la vocation première et primordiale de la femme n'est autre que celle de donner la vie et non pas le rejet ou la mort de l'enfant. Car au moment où certaines femmes sont en train de jeter leurs enfants, il y en a d'autres qui sont infertiles ou tardent à avoir un enfant et qui en souffrent moralement. Et donc, nous voudrions que les femmes sachent que jeter un nouveau-né constitue un crime contre l'humanité devant lequel ni ne peut fermer les yeux ni tolérer. Raison pour laquelle l'ONLCT, ton frère, demande à la justice d'instruire ce dossier avec célérité afin que la vérité éclate au grand jour et que le coupable soit puni conformément à la loi et que la justice soit rendue à la victime, car aucune raison ne peut justifier cette barbarie humaine. Et devant cette situation, l'ONLCT, où est ton frère, est prêt à plaider pour le compte de la victime afin que l'enfant soit rétabli dans ses droits et dans sa dignité. C'était Maître Prime Mbarubukeye, président de l'organisation Où est ton frère, qui lutte pour les droits des enfants. Au moment où le deuxième trimestre de l'année scolaire en cours a commencé ce lundi, les directeurs des écoles secondaires à régime d'internat Guitéga ont de la peine à convaincre les fournisseurs de vivres de les approvisionner sans liquidité et avec des dizaines de millions d'arriérés de dettes non encore payés. Entre-temps, le ministère n'a pas encore viré au compte des écoles l'argent pour la restauration des élèves internes. Arthur Kavarouchi. Même si le deuxième trimestre de l'année scolaire en cours a débuté ce lundi, les directeurs des écoles secondaires à régime d'internat de Guitéga ont de la peine à convaincre les fournisseurs de vivres à les approvisionner sans liquidité et avec des dizaines d'arriérés de dettes non encore payées. Ces directeurs indiquent que durant ces vacances de Noël, ils ont tenu une réunion dont le procès-verbal a été transmis à Madame la ministre ayant l'éducation et la recherche scientifique dans ses attributions. Ainsi, dans cette réunion, ils ont demandé à ce que les subsides donnés par le gouvernement soient revus à la hausse, c'est-à-dire de 800 francs par élève et par jour, en tenant compte des prix actuels élevés des denrées alimentaires au marché à 1500 francs bourg par élève et par jour. Ils ont également demandé que le Minerva payé trimestriellement par les élèves internes soit aussi revu à la hausse, c'est-à-dire de 8 000 francs à 15 000 francs par trimestre. À cela, ces directeurs ont demandé que le ministère rende disponible des subsides consommés par les élèves en examen de repêchage et à l'examen d'État. Les fournisseurs de vivres, quant à eux, se disent être en difficulté de pouvoir continuer à travailler avec ces écoles qui leur doivent beaucoup d'argent. Ils indiquent qu'aussi, ils ont des dettes envers des banques. Même si le deuxième trimestre de l'année scolaire en cours vient de commencer, le ministère n'a pas encore viré au compte des écoles l'argent pour la restauration des élèves internes. Arthur Kavavushi, Gitega, Radio Isanganiro. Et le ministère de l'Éducation reconnaît qu'il y a un retard de versement de ces subsides aux internats, mais leur demande d'attendre l'acte du gouvernement autorisant les différents ministères à engager les budgets. Suivez Jouma Edouard, c'est le porte-parole du ministère de l'Éducation. Au niveau du ministère, ce n'est pas un problème général. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque année, en début d'année, il y a un léger décalage par rapport aux dates justement où les subsides sont versés aux internats. Parce que le budget a été voté, il est vrai, pour 2017. Mais au mois de janvier, c'est souvent en retard que ces subsides sont versés. Parce qu'il faut attendre maintenant, de la part du gouvernement, l'acte qui autorise les différents ministères à engager les budgets. Donc, ça prend quelques jours. Ça a un impact au niveau des écoles. Des fois, ça arrive avec un léger retard. Sinon, tous les préparatifs sont prêts. On attend que, de la part du ministère des Finances, l'engagement de budget commence. Et à ce moment-là, les subsides seront versés comme à l'accoutumée. Jouma Edouard, c'est le porte-parole du ministère de l'Éducation nationale. Le collectif des travailleurs de maison Twité Zimbéré affirme que l'arrestation des domestiques qui n'ont pas de quart de métier continue. Frédéric Nchimiriman a sauté étonné de cet état de fait, obligeant ces travailleurs à payer différentes sommes d'argent pour adhérer à une association. Suivez-le, il est traduit par Alain Désiré Wokeynet. Les policiers demandent toujours des cartes pour domestiques. Ils demandent d'abord les cahiers de ménage. Et quand tu es dans ce cahier, ils exigent la carte de travail. Lorsque tu n'as pas cette carte, ces policiers t'amènent au niveau des différentes zones de la mairie de Bujumbura. Ce qui nous étonne, c'est qu'on leur demande différentes sommes. Il y en a qui paient 8 500 francs burundais, d'autres paient 9 500 francs, voire d'autres paient 10 000 francs burundais parce qu'ils voient les employés d'Okated collaborer avec la police. On ne sait plus sur quel pied danser. Nous soupçonnons des magouilles, même si on est soutenu qu'on suive la loi. Nous demandons que la police nous laisse travailler. On n'est pas en train de les combattre. On adhère à une association parce que l'on veut. Les domestiques n'ont pas de moyens. Nous voulons que le prix de cette carte puisse diminuer. Et sur cette question des domestiques impliquant la police, le ministre burundais de la Sécurité publique estime que les domestiques peuvent avoir ou non cette carte. Alain Guillaume Wignoni s'exprimait le 21 décembre dernier lors de la présentation des réalisations de son ministère. Suivez-le. Nous voulons souligner ici que L'association des travailleurs de maisons des domestiques est une association qui fonctionne conformément à la réglementation en vigueur dans notre pays. C'est une association qui est agréée et leurs cartes de service, par voie de conséquence, sont aussi régulières et légales et ont une certaine valeur dans le métier qu'ils exercent. C'est bon que le policier demande à cet homme-là qui se présente comme un domestique s'il est réellement domestique et s'il est à mesure de le prouver. Lorsqu'il n'est pas à mesure de le prouver, c'est encore bon que cet individu-là soit conduit, soit à la zone, soit au niveau de l'administration locale pour effectivement vérification en profondeur de l'identité de cet homme, ce qui n'est pas mal. Donc les domestiques peuvent avoir ou non leur carte, c'est un choix délibéré qu'ils peuvent opérer, mais que dans ces investigations, le policier demande la carte et fasse vérifier cela auprès de l'administration locale. C'est un processus normal pour des enquêtes. C'était Alain-Guillaume Bougnoni, ministre en charge de la sécurité publique. L'entretien des familles de maçons n'est pas facile en cette période de carence de chantier, de construction. Et ce sont ces maçons qui le disent, ceux qui se trouvent à un lieu d'attente, communément appelé main-d'œuvre, du quartier Muzinga, en zone de Moussaga de la mairie de Bujumbura. Ils indiquent que la hausse des prix a aggravé les choses. Alida Ndaikeza les a rencontrés. C'est un des maçons qui dit que c'est difficile ces jours-ci de trouver du travail. Pour subvenir à leurs besoins, ils sont obligés d'arriver à ce lieu d'attente à 5 heures du matin pour voir s'il n'y aurait pas un client qui voudrait leur service. On vient ici pour chercher le travail. Tu peux travailler une fois la semaine, mais tu ne peux rien faire de l'argent que tu gagnes comme ça. Tu ne peux même pas acheter de quoi manger. Parfois, tu peux aller puiser de l'eau pour quelqu'un ou transporter un bagage et il te paie 500 francs pour. Mais cet argent n'achète même pas une assiette de nourriture. À part la rareté du travail, ces maçons sont confrontés à la hausse des prix des denrées alimentaires, comme cela est dit par un d'eux. Il n'y a plus de travail parce qu'il y a un manque d'argent pour les propriétaires des maisons. Il nous est difficile d'acheter à manger. Par exemple, un kilogramme de farine est à 1200 francs, alors qu'un aide-maçon est payé 3500 par jour et une assiette de nourriture s'achète à 1000 francs. Même si tu trouves un travail, c'est difficile d'acheter la nourriture. On arrive ici à 5 heures du matin et on quitte parfois cet endroit à 11 heures sans rien et on rentre chez nous. Tout ce que l'on fait, c'est dormir. La majorité des maçons se trouvant à ce lieu d'attente est composée des personnes en provenance de la province de Bujumbura. Sécurité, une personne a été tuée fusillée vers 21h de ce dimanche sur la colline Nebihanga, en commune Matana de la province Bururi. Les sources auprès de l'administration locale, confirmées par la police à Matana, indiquent que Ndizeye Charles, le propriétaire d'une boutique sur cette colline, rentrait dîner avec un autre boutiquier quand ils sont tombés dans une embuscade d'hommes armés. La victime a reçu 2 balles et il est tombé dans un drain des environs. La police indique avoir commencé les enquêtes pour identifier et traduire devant la justice ces malfaiteurs qui ne cherchaient qu'à éliminer ce commerçant puisqu'aucun article de boutique n'a été volé. Et un certain Aménimane Alexis, habitant Tchabara, commune et province Rumonge, est dans la main de la police depuis samedi. Cet homme, arrêté sur ordre du gouverneur, serait victime de la divergence de vue entre certains députés et sénateurs de Rumonge d'un côté et le gouverneur de cette province de l'autre, autour d'un conflit foncier sur les collines Tchabara et Mayengo. Les précisions de Jean-Pierre Misago. Selon des témoins sur place à Tchabara, Aménimane Alexis a été arrêté vers la mi-journée de ce samedi sur la route nationale numéro 3 reliant Rumonge à Nyanzalak. Les mêmes sources indiquent qu'un élu collinaire de Tchabara l'a pointé du doigt comme faisant partie des personnes qui se sont prononcées contre l'affectation de leur terre pour l'aménagement d'un site pour les victimes des intempéries de la commune Mouhouta. C'est le gouverneur de Rumonge lui-même qui l'a remis à la police selon des sources au commissariat de police à Rumonge, sans plus de détails. Le gouverneur de Rumonge n'a pas décroché son téléphone portable quand nous recherchions pour sa réaction. Selon ceux qui se réclament propriétaires de ces parcelles litigieuses, récit de l'impôt foncier des années 50 à l'appui, Hamenimana a été victime d'êtres natifs de Tchavara, une colline où habitent la plupart de ceux qui se sont opposés à cette décision du gouverneur, car selon eux, Hamenimana n'est pas parmi les groupes et son arrestation est intervenue alors que certains parmi les députés et sénateurs de Rumonge avaient suspendu la veille toutes les activités d'aménagement de ce site. Selon un député de Rumonge, ils sont en train de recueillir les informations sur l'arrestation de Hamenimana. Jean-Pierre Misago de Rumonge, Radio Isanganiro. Radio Isanganiro Chronique. C'est du sport comme tous les lundis. Le cross-country est l'une des épreuves de course qui est à une étape avancée au Burundi malgré quelques difficultés. C'est le directeur technique de la Fédération d'athlétisme du Burundi qui confirme. Parmi ces difficultés, l'on évoque le manque criant d'équipement pour les athlètes. Sylvère Nsengiyumva demande aux responsables des associations provinciales et aux présidents des clubs de tout faire pour se doter de ces équipements. La chronique sportive est présentée par Ivariste Nzikobanyanga. Le cross-country est l'une des épreuves de la course. Sylvain Nsengiyumva, directeur technique de la Fédération d'athlétisme du Burundi, explique ce que c'est le cross-country. C'est une course à pied qu'on fait avec des obstacles naturels, si vous voulez, mais sur un circuit qui est mesuré, qui est varié, qui rend un peu difficile la course. Avec un circuit qui est très varié, où on peut trouver des obstacles naturels, comme par exemple des fosses d'eau, des montées, des descentes. C'est une course à pied qui a aussi des épreuves, comme par exemple le cross-long homme, cross-court homme, cross-long dame, cross-court dame. Donc on aligne généralement 6 athlètes par épreuve, avec les 4 qui vont au départ, et il y a 2 aussi qui sont des réservistes. Parce qu'on ne sait jamais, tu peux avoir 4 athlètes et l'un ou l'autre peut tomber malade. On permet qu'il y ait 2 réservistes. Donc, à chaque distance, on aligne 6 athlètes, dont 4 qui vont au départ. Le cross-country est à une étape avancée au Burundi, poursuit le directeur technique de la Fédération d'athlétisme du Burundi. Sylvain Nsengiyumva indique que les athlètes burundais l'ont démontré lors du cross-country organisé en 2016 à Durban, en Afrique du Sud. Je fais pour assurer que nous avons des jeunes filles et garçons qui sont vraiment très performants, qui ont montré leurs capacités lors de championnat d'Afrique senior qui s'est déroulé l'année passée, qui montrent clairement nous avons donc de bonnes équipes qui se sont bien démarquées parmi les Kenyans, les Ougandais. Même si cette épreuve est à une avancée significative, elle fait face à des difficultés en rapport avec un manque criant des équipements. Les athlètes qui courent pieds nus, pour ne citer que cela, le directeur technique de la Fédération d'athlétisme du Burundi demande au président des associations provinciales et des clubs de tout faire pour trouver des équipements adéquats. Vers la fin du mois de mars de cette année, il est prévu une compétition cross-country en Ouganda à laquelle participera le Burundi, fait savoir Sylvain Nsengiyumva, directeur technique de la Fédération d'athlétisme du Burundi. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous ceux qui l'avaient suivi. Merci à François Kimana pour la mise en onde. Au micro, Jean Bosco d'Ouimana. Nous vous souhaitons une très bonne soirée à l'écoute de nos programmes. Ne tournez pas le bouton. Nos programmes continuent.